Dis-moi, dis-moi, que reste-t-il de ce monde dont tu rêves? À en croire les imbéciles, ce qui compte, c'est d'en croquer. Comme des pies, les uns jacassent, pendant que la banlieue caillasse. Le monde bouge assurément, sommes-nous de la chair à puissance? Vous rendrez compte en vérité de nos espoirs assassinés. Tout est inscrit, rien ne s'efface, un ange passe, mais qu'est-ce qui se passe? Aimer à mes côtés. Cet amour-là serait une île contre les cons, les vanités. Je sais, c'est puéril, mais c'est qu'il me plaît d'en rêver. Un ange passe, mais qu'est-ce qui se passe?